إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون، قال الله تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه سورة عظيمة موجزة تضمنت المنهج الذي يسير عليه المسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على عباده إلا هذه السورة لكفتهم. وهي سورة عظيمة المعنى، أقسم الله بالعصر الذي هو الزمان، الليل والنهار، والوقت الذي يعيشه الإنسان، وهو وقت ثمين. والله تبارك وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، ولكن العباد لا يقسمون إلا بالله وحده. إن الإنسان لفي خسر، والإنسان المراد به جميع بني آدم، لا يستثنى أحد، لا الملوك والرؤساء ولا الصعاليك ولا الأغنياء ولا الفقراء ولا الرجال ولا النساء ولا العلماء ولا الجهال، كلهم خاسر إلا من اتصف بأربع صفات. الأولى: إلا الذين آمنوا، الإيمان، أي آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان. وتعريف الإيمان عندنا أهل السنة: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثانيا: وعمل الصالحات، العمل، والعمل داخل في الإيمان، فالإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. ثالثا: وتواصوا بالحق، يوصي بعضهم بعضا بالخير، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويعلمون إخوانهم ما ينفعهم. رابعاً: وتواصوا بالصبر، لأن الذي يقوم بالأعمال الصالحة يجد مشقة فيحتاج إلى صبر، وقد يجد من الناس رد فعل، وربما واجه تهديداً فيصبر على الأذى ويتحمل ما يلاقي من الناس. فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام واجهوا من الناس الأذى وصبروا على ذلك احتسابا لوجه الله تعالى. الذي ليس عنده صبر لا يستمر على العمل الصالح ولا يستمر على التواصي بالحق. هذه الصفات الأربع من حققها فهو رابح، ومن تركها أو ترك بعضها فهو خاسر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله تبارك وتعالى نودي في القرآن dans le sens du verset. Par le temps, l'homme va certes dans sa perdition, sauf ceux qui ont cru, qui ont accompli les bonnes œuvres, qui se sont conseillés mutuellement la vérité et qui se sont conseillés mutuellement la patience. C'est une grande sourate, la sourate Al-Asr, qui comporte la voie, la méthodologie, le chemin à suivre, la méthode à entreprendre pour chaque musulman. L'imam Shafi'i, rahimahullah, a dit sur cette sourate, si Allah n'avait révélé, n'avait fait descendre comme preuve, comme argument sur ses serviteurs que cette sourate, elle aurait suffi. C'est une grande sourate dans le sens qu'elle comporte. Allah tabaraka wa ta'ala jure par le temps qui est tout le temps qui comporte la nuit et le jour, le temps que vit l'homme, et c'est un temps qui a beaucoup de valeur. Allah tabaraka wa ta'ala se permet de jurer par ce qu'il veut parmi ses créatures, mais les serviteurs, les esclaves d'Allah, les créatures ne doivent jurer que par lui seul, sans rien lui associer. Certes, l'homme va vers sa perdition. Il est voulu par l'homme, l'humain, tous les enfants d'Adam, toute la descendance d'Adam, alayhi salam, personne ne sort de cette appellation, ni les rois et présidents, ni les sujets, ni les riches, ni les pauvres, ni les hommes, ni les femmes, ni les savants, ni les ignorants, tous vont vers la perdition, sauf celui qui vient avec ces quatre aspects. Premièrement, sauf ceux qui ont cru, la foi, c'est-à-dire, ils ont la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Voici donc les piliers de la foi et la définition de la foi chez nous. Les adeptes de la sunna, c'est une parole par la langue, une croyance, une affirmation par le cœur et une pratique par les membres du corps. La foi augmente par les bonnes œuvres et diminue par les mauvaises œuvres. Deuxièmement, et qui ont accompli les bonnes œuvres, l'action, la mise en pratique, et ceci fait partie de la foi. La foi n'est pas seulement une parure, n'est pas seulement une prétention, mais c'est ce qui est bien ancré dans les cœurs et qui a été confirmé par les œuvres. Troisièmement, ils se sont conseillés mutuellement la vérité. Chaque musulman se doit de conseiller son prochain avec le bien. Ils ordonnent le bien et ils interdisent le mal. Et ils enseignent, ils apprennent à leurs frères ce qui leur est utile et bénéfique. Quatrièmement, et qui se sont conseillés mutuellement, la patience, car celui qui agira ainsi, qui pratiquera, qui appliquera les bonnes œuvres, trouvera face à lui des difficultés et il devra donc faire preuve de patience. Il trouvera aussi de la part des gens du mal venant de leur part. Parfois même, il sera menacé, donc il se devra de faire preuve de patience face à ce mal et il devra prendre sur lui-même, sur ce qu'il trouvera de la part des gens. Car les messagers, alayhi salatu wassalam, ils ont fait face aux gens, et les gens parfois ont été mauvais avec eux. Ils leur ont fait du mal, et ils ont fait preuve d'une bonne patience, ne cherchant par là que la récompense auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Celui qui n'a pas de patience ne pourra pas rester dans les bonnes œuvres, et ne pourra pas rester aussi dans le conseil mutuel de la vérité. Voilà donc les quatre aspects. Celui qui les aura réalisés, concrétisés, sera le gagnant. Celui qui les délaisse ou délaisse une partie de ces aspects, il sera le perdant. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وفقنا اللهم لما تحب وترضاه وصلى الله وسلم وبارك